chez Jean Dumas Ford de Dolbeau Mistassini. On vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 6 000 $ en valeur totale, incluant 3 350 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau Mistassini. 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler de la Ligue du Lac au Fleuve avec notre ami Mathieu Caron, le commissaire de la Ligue. Salut Mathieu. Salut Danny. Salut. Mais Mathieu, avant de commencer toutes les petites nouvelles qu'on a, les matchs de la semaine passée, et ainsi de suite, je veux te parler de la Côte-Nord. Ils n'ont aucun point à l'heure actuelle. Es-tu inquiet concernant cette équipe-là? Parce que, tu sais, quand tu gagnes pas, il me semble que c'est moins encourageant pour les joueurs de venir. Es-tu inquiet? Non, pas vraiment. Je dirais qu'au Côte-Nord, là, ils performent quand même bien. Si on regarde leur résultat, leur match là, en première, deuxième période, là, ils réussissent quand même à très bien dominer leur match là, en saison. Le petit problème, là, c'est surtout à la troisième période que ça gâche un peu plus les choses. Mais je crois que c'est vraiment beaucoup plus de l'ajustement qui va se passer. Un nouveau personnel d'entraîneur aussi qui est à l'arrière de ça, des nouveaux joueurs. Mmh. Fait que je crois qu'au fil de la saison, il va y avoir l'ajustement qui va se faire dans l'équipe. Puis je suis confiant que ils vont remonter à la pente là, assez facilement. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Ben, la semaine passée, on a eu deux matchs. Un match à Jonquière, qui a été l'équipe de Delbeau qui a visité Jonquière. Jonquière a gagné par la marque de 8 à 4, si ma mémoire est bonne. Exactement. C'était un match super intéressant en plus. En première période, le score était 0-0. Personne n'avait marqué encore. Mais c'est en deuxième période que Jonquière a été plus offensif. Et ils ont quand même bien dominé le match. De bon, bien suivi aussi. Mais c'est ça qui s'est passé de ce côté-là. Puis du côté de Clermont, il y avait un programme d'hommes encore en 20 semaines. Ouais. Il recevait deux fois au Côte-Nord. Je peux te dire qu'il y a une problématique qui est arrivée pour le samedi soir parce que au Côte-Nord était présenté à 18 joueurs pour le match du vendredi. Il y avait 13 joueurs qui couchaient là-bas. Puis il y avait 5 joueurs qui étaient supposés descendre samedi pour venir au match. Mais suite à la température qui passait beaucoup, était vraiment laid du côté de Bécomo. Des joueurs de Bécomo n'ont pas pu descendre au match. Donc, ils sont ramassés à 13-14 joueurs là, pour jouer le match. Okay. C'est pour ça que ça a été comme le résultat qui est affiché là. Ça a quand même bien été, mais ça a été dur. C'est vraiment pas la faute de l'équipe. On a regardé pour pouvoir déplacer le match. Mais finalement, vu les joueurs étaient là avec les calendriers serrés qu'on a cette année, on a décidé quand même de la faire jouer. Mais donc C'était pas l'idéal, mettons. C'est sûr que c'était pas l'idéal, mais on a regardé toutes les options et tout, mais ça n'a vraiment pas le choix de jouer le match. OK. Donc, du côté de Jonquière, il y a eu les trois étoiles de la semaine, c'est Jonquière. Pierre-Luc Laprise, c'est-tu l'ancien joueur il a joué dans la Légion majeure du Québec, lui, hein? Oui, exactement, oui. C'est Pierre-Luc Laprise, c'est bien le même gars. 2 buts, 4 passes, 6 points, première étoile. Simon-Claude Blackburn, 2e, 4 passes. Puis Jason Dixon, 1 but, 2 passes, c'est ça? Effectivement, ça a été un gros, très bon pour l'affiche là, des joueurs de Jonquière, ben oui. Avec le match qui s'est passé là, contre Delbeau. Ouais. Donc, ça a bien été pour eux à ce niveau-là. OK. Donc, maintenant, on va y aller avec les matchs de la fin de semaine. Je sais que le multiconcessionnaire est à Charlevoix. Oui, effectivement, Delbeau visite Charlevoix vendredi soir. Et par la suite, c'est Jonquière qui visite Delbeau vendredi soir et samedi. C'est le multiconcessionnaire qui visite Charlevoix à l'aréna Clermont. Jonquière est ici vendredi soir? C'est Jonquière visite Charlevoix. OK, OK. Vendredi soir. Puis, ouais, parce que... samedi, c'est à l'autour de Delbeau de visiter Charlevoix. Oui, parce que le prochain match local, c'est loin, le 15 novembre, 15 décembre, ouais, tu sais. Oui, effectivement. L'horaire est un peu difficile côté, à faire. Delbeau, on essayait vraiment de retarder le plus possible. Le temps de la chasse et tout, là, c'est pas tant évident d'avoir du monde, mais là, il va y avoir un peu plus de matchs qui vont se passer dans les prochains temps. Là. Le plus gros pic, on peut dire, de match local qui s'est joué présentement, c'est à Charlevoix. Ils ont eu beaucoup de programmes qui se sont joués là. Fait que eux, les matchs locales vont être un peu moins après les fêtes. Ils vont en avoir un peu plus à côté de Delbeau. J'ai parlé c'est sûr que là. Ouais. J'ai parlé avec Dave Girard cette semaine, puis il se dit bien content des assistances ici à Dolbeau. Ça va bien ici à Dolbeau, une belle concession, là. 6, 5, 600 personnes. Ouais. Effectivement, c'est une très belle concession de ce côté-là. Les commanditaires, je pense, sont vraiment à l'arrière de l'équipe. L'organisation, une très belle organisation aussi qui ont ce côté-là. Une très bonne équipe, bien coachée aussi par Gérard Leclerc. Fait que je pense que Dolbeau, ça va être compétitif. Si on regarde le classement, là, présentement, on a les trois clubs sont à l'égalité avec 8 points. Charlevoix, Charlevoix, Jonquière, puis Dolbeau. Donc là, les prochains temps, là, la première position va jouer entre chacun des joueurs. Fait que c'est vraiment intéressant comme secret si on peut voir présentement à ce niveau-là. Effectivement. C'est vrai que Canary, comme je dis, ce soir, il y a un bureau des gouverneurs. Un assez important bureau des gouverneurs ce soir parce qu'on va parler un peu de modifications. On va peut-être faire quelques modifications au niveau de calendrier pour essayer d'accommoder certaines équipes. Également, il va peut-être avoir une annonce qui va être faite dans les prochains jours concernant une organisation. Il va peut-être avoir des changements qui vont se passer à ce niveau-là. Fait que c'est à soir que ça va être discuté pour ça. Puis il y a aussi d'autres discussions. Fait que je vous dis que probablement que demain en fin de semaine, il va y avoir beaucoup d'annonces qui vont être faites de la part de la Ligue sur certaines choses qui vont se passer. Fait que suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur le site web, puis on va avoir l'information là-dessus. Et on va en reparler lundi à Don Radio Sport et jeudi prochain à notre chronique. Yes, y a pas de problème. Mathieu Caron, un gros merci. On s'en reparle jeudi prochain. Si les annonces sont importantes, on va s'en reparler avant. Il n'y a pas de problème. Mathieu Caron, le commissaire de la Ligue du Lac-aux-Fleurs.